Selon le journal d'internet sud-coréen Jaju Sibong, divers milieux sud-coréens ont tenu le 7 juillet à Séoul un meeting de félicitations de Roh Soo-hee, vice-président de la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, qui a été libéré après 4 ans de prison pour avoir commis le soi-disant crime d'avoir visité notre république. Les orateurs ont décidé de s'opposer jusqu'à la fin aux fascistes pour enfin chasser les sécessionnistes et mettre sur pied un monde des masses populaires, patrie indépendante réunifiée.